Rintam le génie du mal avait une nouvelle idée diabolique. Il voulait faire appel au plus grand stratège pour l'aider dans ses plans machiavéliques. Il convoqua alors pour le seconder dans sa quête, Gron le gobelin qui lui servait d'assistant. Gron, si tu viens pas sur le champ, je te découpe en rondelles! Physiquement, Rintam était un homme de grande taille qui mesurait 1m90. Il aimait porter des tenues violettes et se déplaçait souvent muni d'un grand bâton jaune qui amplifiait ses pouvoirs. Le génie portait une barbe noire et une moustache, ainsi que de longs cheveux attachés en queue de cheval. Rintam n'appréciait pas d'avouer son âge, il aimait faire croire qu'il avait seulement 25 ans. Mais ses subordonnés devinaient que le génie vivait depuis au moins 35 années. Oui, maître. Il était assisté par Gron, un gobelin adulte qui s'avère un être à la peau verte d'une hauteur d'1m20, aux longues oreilles pointues. Il avait un goût prononcé pour les vestes rouges et les pantalons à rayures jaunes et rouges. Le gobelin, mis à part quelques détails physiques, ressemblait à un enfant humain. Encore vêtu de ce pantalon moche? Mais combien de fois t'ai-je dit de jeter cet horrible bout de tissu tape à l'œil? Si Rintam pouvait être brillant, Gron était loin d'avoir inventé l'eau chaude. La distraction du gobelin et sa manie de comprendre de travers les consignes en faisaient un subordonné pas toujours fiable. C'est que, maître, si vous voulez que je porte de nouveaux vêtements, il faudrait m'en donner. Non, pas le mot interdit! Peut-être qu'une augmentation... Tu emploies des stratagèmes fous pour me pousser à bout, dis donc! Oui, mais pour avoir d'autres habits, il faudrait réviser mon salaire vers le haut. Mais pourquoi même toi, tu ne comprends pas l'immense honneur qu'il y a à travailler gratuitement pour moi? Pourquoi mes sbires ne se contentent pas de ma reconnaissance? C'est que le monde n'est pas encore prêt à reconnaître votre magnificence sublime, particulièrement éclatante. Bon, pour cette fois, je te pardonne. Heureusement, Gron savait flatter. Il était le roi du compliment. Or, le génie était un amateur prononcé d'éloges. Il pouvait pardonner beaucoup quand on le glorifiait avec des mots. D'ailleurs, il suffisait parfois de flatter avec adresse Rintam pour qu'il accepte une offre désavantageuse, voire des escroqueries caractérisées. Ainsi, le génie avait signé un jour un contrat qui lui imposait de vendre son donjon pour quelques sous. Heureusement, Rintam eut le réflexe de consulter sa liste des escrocs. Un document qui contenait les portraits de filous célèbres. Il réalisa alors qu'il était en train de se faire entourlouper. L'escroc eut une triste fin, il finit brûlé par un sort. Même si le génie avait quelques faiblesses, il n'empêchait qu'il pouvait se montrer très intelligent. Je comprends, après réflexion, que les masses demandent encore un salaire, y compris quand je fais des efforts en matière de bon goût. C'est vrai que je fais beaucoup fouetter, mais mes outils torture sont très jolis et comportent des superbes gravures. Le génie habitait un grand donjon. L'ensemble comportait une tour centrale de 4 étages qui servait de lieu d'expérimentation magique et de quartier personnel pour ses subordonnés les plus proches. Et le reste des serviteurs vivaient dans des maisons de pierre ou de bois en mauvais état, qui se trouvaient près de la tour. Heureusement pour le génie, il disposait de hautes murailles composées de pierres enchantées, assez hautes pour le protéger lui et ses subalternes. Gron le tête en l'air, le bêta était loin d'être le seul subordonné du donjon avec des problèmes intellectuels. Mais le génie gardait espoir. Il espérait bientôt accomplir un enchantement important pour ses projets de conquête, depuis la salle des rituels majeurs. Gron, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. J'ai décidé de m'attribuer les services des plus grands stratèges de l'histoire pour hâter ma conquête du monde. Si mon plan réussit, je deviendrai d'ici un an un monarque incontesté. Vous avez vraiment besoin d'aide? Vous êtes pourtant tellement intelligent que, grâce à vous, désormais, je sais compter au-delà de 5. J'ai besoin d'être correctement secondé. Même un génie ne peut se débrouiller tout seul. Dois-je aller chercher votre grimoire de magie noire? Oui. Dépêche-toi de me l'apporter immédiatement, sinon je t'interdirai de me flatter pendant 1 heure. Oh, maître, vous êtes si terrible. S'il m'est interdit de chanter vos louanges, je serai vraiment dans l'embarras. Je sais, pour les gens sincères qui me connaissent, être privé de la possibilité de vanter mes mérites, c'est le sommet de la torture. Rintam, le génie du mal, avait essuyé de nombreux déboires, mais il demeure optimiste. Toutefois, la confiance du génie s'avérait souvent très excessive. Rintam s'imaginait qu'il lui suffirait d'avoir les services d'un bon stratège, pour que ses rêves de conquête du monde deviennent réalité. Disposer d'un tacticien chevronné en stratégie militaire constituait un plus indéniable, mais cela ne faisait pas tout. Cela n'empêchait pas le génie d'estimer qu'une fois qu'il aura un stratège à ses côtés, il pourrait bâtir en une année un royaume où son autorité serait absolue, et qu'en 10 ans maximum, le monde de Gerboisia lui appartiendrait. Malgré son grand intellect, Rintam avait tendance à croire que tout se déroulerait facilement, une fois qu'il mettrait la main sur un bon second. Problème, rien n'était plus hasardeux que la guerre, y compris quand on avait des circonstances très favorables. De plus, pour l'instant, le génie ne s'avérait pas dans une situation très brillante. Ses 10 derniers assauts contre le village de Lofen débouchaient malheureusement sur 10 échecs. Gron surnommait son maître le grand, le magnifique, le brillant parmi les brillants. Toutefois, dans la région où vivait Rintam, on l'appelait le tyran inoffensif, le clown pathétique ou le roi des ratés. Gron, pendant sa quête du grimoire de Rintam, rencontra un orc au détour d'un couloir. Il réfléchit à une stratégie pour passer sans payer et sans dommage. Il eut soudain une idée. Il mentira en faisant croire qu'il n'était pas réel. Tiens, c'est Gron le nabo. Comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, je te laisse passer sans te taper. Si tu me donnes tout ton argent, évidemment. Je ne suis pas Gron, je suis une illusion, un mirage, une hallucination. Mais cela ne change pas ta gênante situation, monsieur. Une illusion, un mirage, une hallucination. Pour passer, il faut verser des sous. Je ne suis pas réel. Tu t'adresses à une personne imaginaire. Que tu sois imaginaire ou non, il faut payer. Je n'accorde pas de privilèges aux imaginaires. Si je te révèle le secret de la fortune de Maître Rintam, tu veux bien cesser de réclamer de l'argent à Gron ? C'est entendu. Notre maître a plein de richesses, car il vend de la poussière. Génial ! On trouve de la poussière partout dans ce donjon. Je vais bientôt pouvoir acheter plein de choses. D'ailleurs, je pense à une chose. Le feu puissant transforme en poussière de cendre la viande. Donc, si je me crame les pieds, je serai riche. Ha ha, je suis génial. Gron le gobelin se faisait souvent molester par les orques. Rintam était obligé de laisser faire. Ces orques étaient très attachés à leurs droits maltraités. Ils acceptaient de dormir dans la paille sale, de manger de la viande pourrie, des armes de mauvaise qualité, mais il fallait respecter leur droit de jouer les brutes épaisses. De plus, les 500 orques du génie constituaient l'essentiel de ses forces armées. Si Rintam se les mettait à dos, il devrait repartir à zéro en matière de recrutement militaire. Il existait des orques intelligents et rusés, mais la plupart étaient d'une bêtise affligeante. Rintam aurait aimé avoir autre chose qu'une armée composée essentiellement d'orques, mais il s'avérait que personne d'autre ne voulait travailler pour lui. Gron n'était pas conscient que son astuce liée à la poussière aurait de lourdes conséquences sur le comportement de la majorité des habitants du donjon. Le gobelin se dépêcha de prendre un livre dans la bibliothèque de Rintam. Puis quand le génie vit son labin revenir dans un délai court, il ne put s'empêcher de ressentir de l'angoisse. Ah, te voilà, Gron. Tu as été rapide. Cela m'inquiète. Pourquoi, maître ? Chaque fois que tu te dépêches, la probabilité que tu fasses une gaffe augmente considérablement. Je vous assure que j'ai bien fait attention. Tenez, voici votre grimoire. Pour conserver de beaux vêtements noirs, il faut... Oh, Gron ! Le livre que tu m'as donné parle des habits noirs. C'est le seul livre de la bibliothèque qui a rapport avec le noir. En tout cas, à la lettre N. Voilà ce que tu vas faire, Gron. Tu vas retourner à la bibliothèque et trouver mon livre de magie noire en fouillant dans l'étagère où sont classés les livres par M. Gron s'en alla et revint avec un nouveau livre. Voici le livre que vous avez demandé, maître. Voyons cela. Ce livre est très utile pour amuser les enfants. Il aide à l'exécution de tours de cartes et à faire surgir un lapin d'un chapeau. Ouais, Gron, c'est bien un ouvrage sur la magie que tu m'as rapporté, oui. Mais ce n'est pas le livre que je t'ai demandé sur la magie noire. Il faut donc que je retourne à la bibliothèque. Bravo, belle déduction. Tu reconnaîtras mon livre de magie noire au fait qu'il est très épais. Une fois de plus, Gron se déplaça et amena un autre bouquin. Cette fois, j'ai suivi vos instructions comme il le fallait, maître. Voici l'ouvrage le plus épais de votre bibliothèque. C'est mon dictionnaire encyclopédique que tu m'as rapporté, Gron. Et non un livre de magie noire. Pour que tu ne te trompes pas, sache qu'il y a sur mon grimoire de magie noire une gravure avec un homme peu vêtu. Compris, maître. Mais avant cela, je voudrais, s'il vous plaît, aller aux cuisines manger un peu. Mes allers-retours m'ont donné faim. Il n'y a nul besoin de sortir de cette pièce pour trouver de quoi se restaurer. Pardonnez-moi, maître. Cependant, je ne trouve rien de comestible ici. Il y a des feuilles de papier. C'est très bon et nourrissant. Tu devrais goûter. Très bien, maître. Mais... Le papier, c'est dégueulasse. Allez, il faut finir ce que tu as commencé. Et c'était pas bien de gaspiller la nourriture. Le problème est que je ne supporte pas le papier. Je dois être allergique. Ma gorge gonfle déjà. Regardez. Oh, je risque d'être mal en point si j'en consomme plus. Je vais t'apprendre un grand secret, Gron. Le papier ne se mange pas tout seul. Il faut le mouiller. Vous avez justement un pichet rempli d'eau. Je vais voir quel goût a le papier humide. Gron, toujours autant stupide, s'exécuta une fois de plus sur les conseils de son maître. Ce n'est pas fameux. Je t'invite à saupoudrer le papier avec du sel, tu verras ainsi, c'est exquis. Je vais changer un peu l'eau de mon verre en sel. Par le Transformus, que cette eau devienne du sel de qualité! L'eau dans le verre de Rintam se changea instantanément en sel. Gron en prit un peu, le parsema sur le papier, puis plaça celui-ci une troisième fois dans son orifice buccal. Décidément, je crois pas que le papier soit bon pour moi. Tant pis, va me chercher mon livre, et ensuite tu pourras manger dans les cuisines! Entendu, maître. La prochaine fois, je donnerai à manger de la craie à ce crétin de Gron. J'en reviens pas que cet imbécile ait de son plein gré ingéré du papier. Gron, après quelques minutes de marche, donna un livre à son maître. Super, Gron. Cette fois, tu m'as rapporté mon livre d'histoire érotique. J'en ai marre. Je vais chercher moi-même mon grimoire. Je sens que cette fois va être la bonne, maître. S'il vous plaît, laissez-moi une dernière chance. Entendu. Mais si tu échoues encore, tu seras fouetté. J'essaierai d'être à la hauteur de vos attentes. Gron revint, très joyeux, avec un grimoire. Il en profita pour fêter l'événement, en prenant une pipe bourrée d'herbe, faisant voir des couleurs qui n'existaient normalement pas. Génial. Il ne t'a fallu que 5 tentatives pour trouver mon grimoire. Tu fais de sacrés progrès. Tu as réalisé un bel exploit. D'ici 1 ou 2 millions d'années, tu pourras peut-être du premier coup me rendre correctement service. Merci de vos compliments, maître. Le concept d'ironie, cela te dit quelque chose, Gron? L'ironie, je crois que c'est un fromage. Autrement, j'ai une question à poser. Je sens que cela va être débile, mais dis toujours. Vous êtes un mage, mais je pense qu'il y a plus puissant que vous, notamment le gruyère à trous. Pardon? Vous n'avez que le titre de mage, tandis que le gruyère a le titre de fromage. C'est une distinction plus glorieuse comparée à vous. Surtout que vous m'avez appris que plus une personne a un titre long, plus elle a de prestige. Rintam se demandait s'il devait pleurer ou bourrer de coups de poing son assistant. Finalement, comme il était de très bonne humeur et habitué à se coltiner subordonné débile, il opta pour garder son calme et réfléchir sur un moyen de calmer les délires de son serviteur près de lui. J'ai compris, tu as pris un tabac spécial. Je vais te désintoxiquer avec un sort. Par mes pouvoirs, que ton esprit soit plus clair. Merci, maître, je me sens mieux. Bon, je vais partir tout de suite en quête du stratège que je désire. Qui a l'honneur d'avoir été choisi comme stratège par vous ? Jules César, le conquérant romain. Grâce à lui, je vais asservir des millions de personnes, organiser des ravages monstrueux, décimer les rangs de mes ennemis et écouler mon stock de pulls roses. Pourquoi vous ne brûlez pas tout simplement les pulls roses en votre possession ? Pour ne pas vexer une personne chère à mon cœur. Et qui est le fameux César ? J'ai beau être calé en histoire, ce nom m'est inconnu. C'est normal, César ne vit pas dans ce monde. Il habite un endroit qui s'appelle la Terre. Bon, il est temps de partir. Bourre et ratatam! Que ce sort me guide à destination! Rintam et Gron voyagèrent à travers le temps et l'espace, en prenant la précaution de fermer les yeux et de se rendre temporairement sourd grâce à un sort. Le voyage d'un monde à l'autre par l'intermédiaire d'un enchantement magique était particulièrement dangereux. On pouvait admirer des merveilles, mais aussi de terribles horreurs qui vous retournaient l'esprit. De plus, certaines entités démoniaques prenaient un malin plaisir à essayer de traumatiser les voyageurs qui osaient essayer de gagner une nouvelle dimension ou époque. Ces créatures avaient des apparences diverses. Certains ressemblaient fortement à des humains, d'autres adoptaient la forme de lapin, de poulet ou de chèvre. Les démons n'avaient pas seulement des griffes, des crocs et des cornes comme armes naturelles. Ils comptaient aussi sur une voix qu'ils pouvaient rendre soit enchanteresse, soit terriblement stridente. Ils s'en servaient pour piéger les inconscients, puis les amener à souffrir. Et les démons disposaient d'outils spéciaux qui leur permettaient de torturer sans verser le sang. Le plus perfide de leurs outils était le dragon lard. Un jeu si difficile, complexe et infâme que les malheureux qui s'y essayaient, au bout de 2 parties, implorer qu'on les achève. L'inventeur du jeu était le sadique joueur du greu. Mais nous sommes dans un cimetière. Que voulez-vous faire ? Je veux déterrer des os pour pouvoir jongler avec. Ce n'était pas la peine de voyager dans le temps et l'espace pour avoir des os. Il suffisait d'aller à la cuisine du donjon. Je me moque de toi, crétin! Je suis à la recherche du corps de César. Le problème, d'après le livre que voici, est que les Romains riches pratiquaient l'incinération. César n'est probablement plus qu'un tas de cendres. Même pour un nécromancien très puissant, c'est extrêmement difficile de ressusciter quelqu'un dont le corps n'est pas relativement intact. Bon, on retourne au donjon. Maître, vous êtes sûr que vous avez besoin de Jules César? Je peux très bien le remplacer. J'ai fait de sacrés progrès en tactique militaire. Maintenant, je sais dire retraite en 20 langues différentes. As-tu d'autres connaissances en matière de stratégie? Si l'on veut survivre à un repli, c'est bien de ne pas courir vers l'ennemi. Et autrement? Quand vous voulez fuir, il est utile de se délester de son armure et de son bouclier. Tes aptitudes pour la fuite sont développées, j'en conviens. Mais as-tu des compétences pour aider des troupes à attaquer ou se défendre? Je connais la position de la reddition absolue, une manière très efficace de provoquer l'envie de vous épargner chez l'adversaire. Quand il s'agit de jouer au lâche, tu es très fort. Mais tu as prouvé que tu étais pitoyable pour mener une armée à la victoire. Il ne nous reste plus qu'à partir peu de temps après l'assassinat de César. Tu as fait une remarque pertinente pour une fois. Pourtant, ce n'est pas un jour d'éclipse totale de soleil. Il n'y a pas de phénomène particulier qui explique ton accès d'intelligence. Bien, partons maintenant. Rintam, le génie du mal, et Gron, le gobelin, entamèrent un périple spatio-temporel. Ce fut Rintam qui fit l'essentiel du travail. Il s'empara du corps mort de César, le dignitaire, au milieu d'une foule surprise. Le génie créa une véritable panique, bien qu'il agît avec rapidité. Après un court moment de peur, la foule poussa des vivas et massacra les assassins de César. Ainsi, Rintam avait modifié l'histoire de l'Empire romain. Vous avez agi avec une grande célérité, maître. À peine avez-vous débarqué dans l'époque romaine que vous vous êtes emparé du corps de César en moins de 5 secondes. Il était impératif d'être rapide, sinon mon plan aurait échoué. Maintenant, amène le corps de César dans la salle des rituels. Je vais le ressusciter. Maître, j'aurais besoin d'aide. César pèse beaucoup plus lourd que moi et je suis pas un gobelin très costaud. Dans ce cas, fais-toi aider par un orque. En attendant, je vais me restaurer. Mon périple dans le temps et l'espace m'a donné soif et faim. Rintam descendit l'escalier et rencontra un orque. Je suis riche, oui. Toute cette poussière va faire ma fortune. De quoi parles-tu? Je connais le secret de votre richesse, maître. Il s'agit de la poussière. Quand mon contrat avec vous sera fini, je prendrai mon indépendance et j'aurai mon propre donjon. La poussière que l'on trouve sur les meubles ou le sol, bref, la saleté, n'a jamais rendu riche qui que ce soit. Inutile de faire l'ignorant. Votre secret a été révélé. Mais bien sûr, à ta place, j'irai voir un guérisseur pour qu'il s'occupe de ta tête. 20 minutes plus tard, Rintam regagna son laboratoire de magie. Vous avez fait vite, maître. Vous devez avoir pris un repas rapide. J'avais faim, mais d'un autre côté, je suis impatient d'avoir Jules César à mes côtés. Il faudrait peut-être attacher César pour éviter un désagrément. Il n'y a nul besoin de cordes. Dans le pire des cas, je jetterai un enchantement de paralysie sur César. Que le trépassé revienne à la vie. Cerveau miam miam. Paralysie magique. Zut, il semble que le voyage dans le temps empêche une résurrection correcte des morts. Vous voulez dire que tout ce qu'on peut obtenir d'un trépassé ayant voyagé dans le futur ou le passé, c'est un zombie mangeur de cervelle? Tu as tout compris, Gron. Il va falloir kidnapper César quand il était vivant. Nous partons tout de suite. Mais que... César fut assommé. Ensuite, Rintam, le génie du mal, revint dans son donjon avec Gron et le dignitaire romain. Cette fois, Rintam ne fit pas d'apparition saisissante devant une foule nombreuse. En effet, le génie choisit d'attraper le dignitaire, alors que celui-ci était relativement peu entouré. Au moment de l'enlèvement, il n'avait que quelques serviteurs qui veillaient sur lui. Les domestiques finirent par donner l'alerte au bout de quelques heures. La deuxième capture auquel s'était livré Rintam annula les bouleversements suscités par le premier enlèvement de César. Rintam était préoccupé par l'état du dignitaire. Comme il manquait de muscles, il recourut à un sort de magie pour assommer César. Problème, il y était allé plutôt fort. Résultat, le dignitaire s'avérait dans un sale état. Si le génie n'intervenait pas rapidement, César pouvait mourir à cause du sang qu'il perdait. Il est urgent de stabiliser l'état de César. Je vais le soigner avec la magie. Soins surnaturels. Le sortilège guérit toutes les blessures de César et le réveilla. Il fit garder la porte de la pièce par un orque. Comment avez-vous osé lever la main sur moi, magicien? Je vous préviens, s'en prendre à moi vous coûtera très cher. J'ai une proposition alléchante à te faire. Je te propose de m'aider à régner sur un monde. Je refuse d'être le subordonné de qui que ce soit. C'est très dommage. Tu passes à côté d'une occasion en or. Tout ce qui me manque pour garantir mes victoires, c'est un bon stratège militaire qui me secondera. Et de quelle force militaire disposez-vous? J'ai plusieurs centaines de soldats. C'est tout? Même si j'acceptais de vous aider, il vous faudrait des décennies pour que vous deveniez roi d'un petit royaume. Alors ma réponse est définitivement non. Je te laisse une dernière chance. Serre-moi ou meurs. Vous feriez mieux d'abandonner vos projets et de vous consacrer à une activité qui correspond à vos capacités. Comme par exemple le maniement du balai. Quoique j'ai l'impression de vous surestimer. Que veux-tu dire? Que pour apprendre à balayer correctement, il vous faudra sans doute de nombreuses années d'entraînement intensif. Tes insultes te rapprochent de la mort. Je comprends que tu te sentes vexé et aussi en danger. Si tu balayais, tu prendrais le risque d'abîmer ton cerveau. Que dis-je? Ta poussière cérébrale dans le cas où elle sortirait de ta tête. Maître Rintam, je peux vous ouvrir le crâne? J'ai très envie de collecter votre poussière. Cette intervention provoqua un moment de flottement. Un vif saisissement chez le génie et César. L'orque paraissait prendre pour une bénédiction silencieuse, à la surprise de Rintam. Alors il se rapprocha, tout en dégainant sa lourde épée, rouillée, avec l'intention de s'en servir sur le crâne de son maître. Le génie était tenté de vaporiser l'orque avec un sort, mais il avait peut-être juste affaire à un malentendu débile. Crétin! Je t'interdis formellement de chercher à m'ouvrir la tête! Bien, maître. Après que l'orque ait regagné son poste, Rintam se mit à réfléchir. Il hésitait sur la punition à adopter pour celui qui refusa son offre de recrutement. Il doutait que son interlocuteur ne lui obéisse, à moins d'être brisé par des tortures. Mais il estimait que des supplices seraient contre-productifs, dans le sens qu'il diminuerait la valeur intellectuelle du stratège. Rintam ne pouvait quand même pas pardonner les injures du stratège. Il nuirait à sa réputation en permettant qu'une personne enlevée dans son donjon puisse balancer les insultes et s'en tirer. Il chercha alors quelques conseils auprès de Gron. Mais les suggestions ne furent pas très constructives, vu que le gobelin proposait des mesures loufoques. Comme donner un peu de papier toilette, triple épaisseur, extra super ultra moelleux à César. Puis le châtier, en lui fournissant ensuite avec du double épaisseur seulement extra moelleux. Le génie, énervé par les pitreries de Gron, choisissez une solution expéditive et mortelle. Éclair! Transpercez mon ennemi! Je meurs. Oh non! Je n'ai pas pu convertir César à la cause du papier toilette triple épaisseur. Bon, je n'ai plus qu'à chercher un autre stratège.